Slave. Nous allons créer une nouvelle architecture sonore. Vous ne marcherez plus dans la ville de la même façon. L'espace urbain sera une symphonie. Vous avancerez dans le son en trois dimensions. Anymore. Longines. Et ça vient d'où ce son? quelle forme ça a, de quel objet ça sort. Et pourtant, on reconnaît, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose. Thank you. D'accord, tant mieux. Alors c'est une pièce qui m'a été commandée par le label Tsukubushi. Et ils ont envoyé à plusieurs compositeurs toute une banque de sons d'Emeric de Tapal qu'il avait enregistré en Tunisie en 2009. We'll be right back. Ça dépend un peu des moments. Je peux faire des tirages, comme on fait avec des pièces. Ou bien dans ce cas-là, en fait, j'ai demandé sur mon Facebook à toutes les personnes qui voulaient bien participer de me donner un chiffre entre 1 et 64. Il y a eu, je ne sais plus, je crois, 125 personnes qui ont répondu. Mmh. Et les quatre chiffres qui sont sortis en premier sont le 42, puis le 7, puis le 13, puis le 23. Donc j'ai utilisé ces quatre tirages. Don't Alors, j'utilise ça uniquement quand on m'envoie des sons qui ne m'appartiennent pas. Après, je n'utilise pas l'e-king dans ma production en général. J'utilise d'autres formes d'aléatoire. Mm-hmm. Mais, parce que j'aime beaucoup le chaos et l'aléatoire. Oh, Pour certains, oui, ce sont des amis. Pour d'autres, je ne les connais pas du tout. C'est le hasard. Enfin, c'est vraiment le hasard de la sélection de Laurent, donc qui tient ce label. Après, c'est vrai que souvent, le hasard fait que je me retrouve avec les mêmes noms. Mais ça, c'est, je pense, c'est une question de famille, de musique, et quel que soit le pays d'origine, en fait. Close here. Yeah. C'est un vieux souvenir d'enfant. Après, je sais, parce que j'avais 5, 6 ou 7 ans, je ne sais plus. J'ai vécu sans télévision, je pense que c'est une part assez importante. Et donc, j'ai vécu avec beaucoup de musique et de livres. Et je me rappelle, en écoutant cette cassette, de vraiment me raconter une histoire. Mais j'avais une réelle histoire, comme on peut imaginer avec la musique concrète. C'est-à-dire que je voyais une jeune femme pauvre, qui est très belle, qui habitait dans une dashka. Ça se passait en Russie, pourquoi ? Je n'en sais rien. Il y avait de la neige, je ne sais pas pourquoi non plus. I still wait too much to think. When will this sound inside my head? Somehow it makes me cry. I find I'm looking for something, some fact or clue that helps me break a dizzy world focusing straight. This time I'm not feeling so. This time I'm not feeling so. Yo! the ass now, but it don't matter. Oh, time, time. I'll never look in your eyes. I'll never look at you. I'll never look at us today. When you would sing me songs, you would help me in your arms. You always kept me warm and out of harm's way. Venait chercher la jeune femme et la mettait dans son traîneau avec ses peaux de bête et l'emmenait au bal. Enfin bon, et je me racontais vraiment une histoire très précise dessus et j'adorais, je l'écoutais en boucle, en permanence. We'll be right back. je ne sais pas si c'est le phénomène de la musique concrète. En tout cas, c'est ce que moi je vis par rapport aux enregistrements et derrière la composition avec. Après, c'est probablement pas ce que diraient des vrais compositeurs traditionnels de musique concrète. donc j'avais commencé à travailler dessus, c'était le 11 avril je crois, et puis le 13 mars, il y a une catastrophe nucléaire au Japon. Et je n'étais plus capable de continuer à travailler sur mon octophonie précédente, et j'avais besoin de parler de ça, d'exprimer ça, parce que ça m'avait profondément bouleversée. Et donc j'ai repris, je suis allée au Japon en 2003, et je suis revenue du Japon avec des heures et des heures de films et d'enregistrements divers et variés de là-bas que je n'ai toujours pas tout utilisé. We'll be right back. white that can't see the contrast. Who has to fix my mind, but I can rewrite him to my darkness, with all my shadow from the past. To my darkness, with all my shadow from the past. Et puis de ce que ça peut être pour moi, de cette la destruction de ce pays qui est incroyable, enfin en tout cas dans mon vécu. Mmh. Et bon, au Japon, j'ai aussi vécu des tremblements de terre. Donc c'est vrai que j'ai vécu quelques catastrophes, un cyclone à La Réunion. Enfin, c'est vrai. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez... ça fait partie du chaos, ça c'est le chaos de la vie. C'est vrai que je parle un petit peu de ça dans ma musique. C'est on a toujours l'impression que notre vie, c'est tout tranquille, tout va bien. Et puis, en fait, non, il se passe toujours quelque chose de dramatique ou de très heureux. Mais on a des tas de choses qui arrivent dans notre vie qui fait que les chemins se multiplient, se transforment. Enfin, voilà. Shoes. There's a wall inside on the road. vehicle. Prepare for destroyed. Building your repair pod. Unit set for dismantle. Unit queued for sale. Unit dismantled. New resources available. Landing pad destroyed. Group selected. Units grouped. Unit selected for repair. Unit selected for repair. Repair priority established. Landing pad lost. Backup landing pad queued. Let's go.